Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes. Cette semaine, Le Grand Paris, une série documentaire de Nicolas Jox, réalisée par Manouchak Fachaï. Au départ de cette série, il y a une ville qui grandit depuis des siècles. Et ce concept tout neuf de Grand Paris, brandi comme un programme, un rêve de mégapole, d'expansion urbaine, mais peut-être aussi d'utopie cauchemardesque. Mais surtout, il y a l'envie de savoir ce qui se cache derrière les mots. Des gares, des entreprises, des chantiers, mais surtout des visions politiques qu'il faut explorer et les besoins des habitants qu'il faudrait entendre. Et il y a cette histoire d'une cité née sur une île au milieu de la Seine, une ville gauloise conquise par les Romains et traversée par l'histoire, des Vikings à la Commune en passant par la prise de la Bastille et les cortèges royaux. Une ville et son métro, ses bus, ses RER, sa proche et sa lointaine banlieue et nos vies ordinaires qui la traversent. Et cette question, pour qui sera donc le Grand Paris ? Alors pour commencer, les personnages, des randonneurs, des maraîchers amateurs, des urbanistes, des architectes, des promoteurs enthousiastes, des usagers pas dupes, des étudiants pleins d'espoir, des politiques en marche et des sociologues dubitatifs. Ensuite le décor, des pavillons en meulière, des grands ensembles, des campus en devenir, des murs à pêche tricentenaires, des ruelles, Montreuil, Saclay et des cités dortoirs et des grands raouts en langue de bois. Aujourd'hui, deuxième épisode, on prend les sacs à dos. Donc on va marcher toute la journée. On n'a pas beaucoup de trajets, mais on a beaucoup d'arrêts où on va rentrer dans des lieux. Parfois on marchera peut-être un peu plus vite. Là on est déjà en retard un peu. En gros on a 10 km de marche, donc c'est pas beaucoup. Mais l'idée est vraiment de s'arrêter quand même de temps en temps dans différentes étapes. Moi je présente donc le voyage métropolitain. Vous avez tous déjà fait les voyages. Donc le voyage métropolitain organise depuis 3 ans des explorations collectives dans le Grand Paris avec l'idée de découvrir un peu ce grand territoire et de se l'approprier par la marche, par des journées entières de marche. Ce qui nous intéresse, c'est à la fois petits endroits cachés qu'on ne connaît pas, mais aussi la topographie, le grand relief qui permet aussi de lire le Grand Paris dans... Voilà, avec ses horizons, avec ses vallées, et de se rendre compte aussi qu'on est dans une région quand même un peu vallonnée. Et aujourd'hui d'ailleurs, on va pas mal le voir, on va monter, on va descendre. À la fin de la journée, on partage ses impressions. Donc on part d'ici d'Arcueil, oui, on va le Grand Paris, une métropole en devenir. Le tracé de la Bièvre, cette ancienne rivière qui est aujourd'hui... Avec près de 11 millions d'habitants, la métropole parisienne a connu ces dernières décennies un développement tentaculaire. Jusqu'au périphérique. Un territoire immense, difficile à appréhender par la variété de ses paysages urbains, par la diversité de sa population. Le Grand Paris produit un tiers de la richesse nationale et compte parmi les territoires les plus prospères de la planète. Mais la métropole parisienne est en crise. Crise du logement et des transports, crise écologique avec la multiplication des pics de pollution et de l'étalement urbain. Les fractures territoriales et l'augmentation des inégalités menacent aussi la cohésion sociale du Grand Paris. T'as eu une carte, tiens. Ouais. Aujourd'hui, l'avenir de ce territoire où vit près d'un cinquième de la population française pose question. Comment organiser la métropole ? Comment construire un Grand Paris partagé par tous ses habitants ? Notre exploration débute aux côtés des marcheurs du voyage métropolitain qui s'interrogent aussi sur le devenir de cette grande ville. Vous hésitez. Non, en fait, thème, ça nous tient toute la journée avec un certain groupe, non. Ah non, vous marchez comme vous voulez. Pourquoi on marche dans la grande ville ? La question était peut-être aussi comment on habite la grande ville. On n'habite pas seulement une maison ou un quartier, mais on peut aussi habiter la grande ville. Jens Denissen, membre du voyage métropolitain. Aujourd'hui, ce qu'il faut à la ville, c'est du temps. Et on avait aussi envie de donner un peu ce temps et de sortir aussi d'un quotidien qui est peut-être souvent différent. Et ces temps de marche sont aussi une façon d'impulser, une façon d'habiter la ville ou de la découvrir. Voilà, on parle tous du Grand Paris, mais finalement, on ne le vit pas beaucoup. on ne sait pas vraiment ce que c'est, ce que ça représente, quelles sont ses limites. Et donc au départ, on voulait vraiment explorer les franges en fait, de la métropole, les limites entre le rural, l'urbain, le périurbain. Claire Anaïs Costa Guerrero, membre du voyage métropolitain. Et voilà, cette volonté de vivre en fait, les territoires, de les traverser, de les questionner, parce que finalement, le Grand Paris, ça restait quelque chose de très, très abstrait, quoi. Et moi, personnellement, quand j'ai rejoint en fait, le voyage, c'est que ça répondait à une question très personnelle, en fait, qui était plutôt où j'habite, quelle est mon identité, d'où je suis, d'où je viens. Parce que comme beaucoup de personnes dans la région Île-de-France, moi, des origines, je suis fille d'immigrée, petite fille d'immigrée. Et ça me permettait aussi de me réenraciner, tu vois, Tu as grandi à Paris ou dans banlieue ? Toute ma vie, ouais, en banlieue parisienne. Et donc, de savoir d'où je venais, ce que j'aimais, en fait, là où j'habitais, c'était ça que je venais chercher, en fait. C'est rare, finalement, qu'on prenne le temps. Souvent, bah voilà, dès qu'on a un peu de temps, on s'extrait d'Île-de-France, on voyage ailleurs. On se pose rarement la question, qu'est-ce qui fait qu'ici, c'est chez moi ? Dans notre vie très métropolitaine, on prend un bus, on s'arrête rarement plus de 5 minutes quelque part, on reprend notre bus, et on voit toujours des petits bouts de métropole, en fait. Mais on voit pas la ville sur le long cours, quoi, comme ça, en continu. Et donc là, ouais, c'est différent. On marche 8 heures... Que ce soit moche, beau, on aime bien passer du Pavillonnaire, de la Meulière, aux cités HLM. Enfin, on a l'habitude en fait de ça. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a lancé cette initiative, c'est d'essayer de comprendre ce que c'est le Grand Paris. Donc on comprend mieux les enjeux qui s'y tissent à différents endroits et de se dire, bon, bah, ça me concerne aussi. Et aujourd'hui, ça, c'est pas le cas. Voilà, il y a ce projet du métro qui aujourd'hui fait parler de lui, il y a une sorte de prise de conscience collective du Grand Paris, mais dans une forme quand même assez uniforme qui se limite à un métro ou à un concours d'urbanisme, mais qui n'est pas vraiment en lien avec la vie du territoire. Et c'est un peu ça qu'on essaye d'amener, d'aller voir vraiment très concrètement, lieu par lieu, comment est constitué ce grand territoire. C'est pour ça aussi que nous, on considère notre projet comme un projet plutôt de ménagement d'espace. On n'aménage pas, on n'a pas d'emprise physique, mais on essaye un peu de transformer les représentations qu'on a d'un territoire. Que ce qu'on crée, c'est des relations qui restent très sensibles, qui restent très individuelles, mais qui aussi permettent de créer une autre vision de ce que c'est ce territoire. Ouais, de revenir par là. Ouais, c'est ça. Ouais. Je crois. Et on monte comme ça ? Ouais, c'est ça. On monte ici. Oh, Roberta. Cité vivante de l'avenir, Paris porte en lui toutes les cités qu'il fut dans le passé, tous les témoignages et tous les trésors de sa splendeur au long des siècles. Le Paris d'autrefois n'est pas un Paris mort. Il participe par sa présence et par son témoignage au rayonnement du Paris d'aujourd'hui. Paris ne serait plus Paris si les Parisiens de 1946 ou ceux de l'an 2000 ne pouvaient pas continuer à vivre à l'ombre de notre Paris. Il s'agit donc à la fois de conserver le Paris du passé, de quelle manière, et de construire, selon quelle conception, le Paris de l'avenir, tous les Paris de l'avenir. Grave problème. Le Grand Paris, en fait, je dirais que c'est le dernier avatar du développement de la région parisienne. Frédéric Gilly, économiste. Il y a plusieurs façons de le voir. Pour les architectes, les urbanistes, etc., il y en a beaucoup qui ont dit que le Grand Paris, ça va jusqu'à la 86. Il y a cette notion de la partie dense de l'agglomération parisienne. Après, si on regarde ça d'un point de vue un peu plus, je dirais, fonctionnel, le Grand Paris, c'est au moins la région parisienne. Parce que les habitants de la Grande Couronne, il y en a énormément qui viennent bosser en Première Couronne. Et puis, il y a plein d'entreprises en Grande Couronne qui ont pour salariés des gens de la Première Couronne. Et même au-delà, de plus en plus, il y a une grande quantité d'habitants qui viennent de Picardie, de Normandie, de la région centre, de Champagne-Ardenne même, pour bosser dans la région parisienne. En fait, aujourd'hui, si vous prenez un rayon de... je dirais 80 km autour de Paris, vous êtes dans l'orbite du Grand Paris. Et donc, de fait, l'aire d'influence directe d'un point de vue économique de Paris, directe et quasi exclusive, c'est 250 km autour de Paris. C'est ce qu'on appelle le bassin parisien. Et au-delà, vous avez toutes les métropoles régionales qui rayonnent à l'échelle européenne, mais qui sont dans une relation très intime avec Paris quand il s'agit de rayonner à l'international. Donc, d'un certain côté, et c'est une partie du problème, Paris, c'est la France. L'accroissement constant de sa population, l'extension de sa superficie, la multiplication de ses besoins posent des problèmes dont les données ne cessent de se transformer. Il faut aménager Paris de telle sorte que la métropole soit à l'échelle du temps que nous vivons, avec la révolution permanente de ses techniques et de ses arts. Grand Paris, métropole, métropolisation. Et je crois que toute l'ambiguïté de ce qui se passe aujourd'hui est là. Daniel Béard, géographe. Grand Paris, ça fait longtemps qu'on en parle, historiquement. Hein. C'est la question de Paris en plus grand, quoi. Hein. Le fait que Paris sorte des murs. Et ça, c'est une histoire longue. Ensuite, on a parlé très récemment de métropole. Quand on pense métropole, on pense plutôt un statut, une strate de ville, c'est-à-dire les plus grandes villes. Hein. Et puis, il y a le processus de transformation, et c'est la métropolisation. On est dans un processus de transformation assez radical, qui du coup vient bouleverser ce qu'on entendait par Grand Paris, historiquement, depuis au moins un siècle qu'on en parle. Alors, c'est quoi ce processus de transformation ? Assez souvent, les élus ou même les médias renvoient la métropolisation à la question ville-monde, concurrence internationale, et donc du coup, s'il y a un projet du Grand Paris, c'est pour résister à ça, ou en tout cas se positionner par rapport à ça. Et c'est sûr que c'est ça le fait générateur politique. Je pense que le processus de transformation, il est plus radical, et j'irais à toutes les échelles. Moi, j'ai tendance à dire la métropolisation, c'est la trace au sol, non pas de la mondialisation, mais de la globalisation, c'est-à-dire de notre nouveau rapport au territoire, avec des effets de polarisation, et en même temps des effets de dislocation de nos modes de relation au territoire. Polarisation, c'est-à-dire on se concentre, et comme on se concentre, là, en même temps, on s'étale. La métropolisation, c'est toujours plus grand, toujours plus étalé. Des territoires de plus en plus interdépendants, imbriqués. Et en même temps, des processus de dissociation au sens où les écarts se creusent parce que les liens sont plus des liens, je dirais, de connexité, de mise en réseau, que des liens de proximité. Il faut donner aux Parisiens du XXe siècle un Paris sur mesure. Et pour cela, détruire, si c'est nécessaire, comme on a dû le faire déjà dans le passé, tous les corsets, tous les liens qui entravent la libre croissance, l'essor harmonieux de la ville. L'expression même de Grand Paris, en fait, déjà au XIXe siècle, le baron Haussmann envisage l'extension de Paris. Loïc Vadelorge, historien. Quelque part l'annexion qui se produit en 1860, qui fait que Paris double sa superficie et qui passe de 12 à 20 arrondissements, c'est déjà en fait une façon de concevoir le Grand Paris et concevoir une manière d'articuler Paris et ses périphéries. Hein. On parle à l'époque de petites banlieues. Donc très clairement, en fait, on a intérêt à essayer de penser ça sur la longue durée. Et penser sur la longue durée, ça permet aussi de sortir un petit peu du vocabulaire technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense le Grand Paris à travers le prisme métropolitain. Mais il y a 50 ans, dans les années 60, on ne pensait pas tellement en termes de métropole, mais plus en termes d'agglomération et en termes de région parisienne. Et donc la perspective n'est pas exactement la même. C'est-à-dire que la métropole du Grand Paris, c'est un Grand Paris, certes grand, mais en même temps petit, par rapport à l'échelle de la région parisienne. Donc l'intérêt de l'histoire, c'est aussi de voir comment est-ce que ces échelles ont pu être maniées dans le temps. Et l'échelle du 19e siècle, c'est l'échelle plutôt de Paris et ses banlieues, et la manière dont ces banlieues vivent en synergie ou pas avec Paris. Sur le XXe siècle et les antécédences à la réflexion sur l'aménagement du Grand Paris actuel, donc là c'est aussi relativement connu, on a en 1919 un premier plan d'extension qui est fabriqué par un architecte qui s'appelle Josely, donc qui est un plan qui ne sera pas suivi d'effet. Et puis on se rend compte que déjà la banlieue parisienne, qui est en très forte croissance en termes démographiques et en termes industriels également, pose des problèmes d'organisation. Et donc on va créer une loi en 1928 et un comité supérieur d'aménagement et d'organisation de la région parisienne. Donc l'idée d'organiser le Grand Paris, c'est-à-dire d'avoir des structures administratives spécifiques derrière des lignes directrices, elle est finalement très ancienne. Donc on reprend la question dans les années 50, à une époque où la banlieue connaît une nouvelle phase d'accroissement démographique très important, à l'époque où se produit le basculement d'ailleurs démographique entre la croissance de la ville de Paris et la croissance de la proche banlieue, c'est-à-dire le département de la Seine. Donc là, il faut faire quelque chose et on entame une révision à la fin des années 50 et qu'on confie à un jeune préfet très dynamique qui s'appelle Pierre Sudreau, et qui va essayer d'attaquer la question de l'aménagement de la région parisienne par le haut, c'est-à-dire depuis l'État. Désordre dans la circulation, désordre aussi dans l'habitation. Pierre Sudreau, hélas à déplorer. 1958. 200 000 taudis, vous le savez, des centaines de milliers de mal logés, désordre aussi dans la vie quotidienne, puisque sur 8 millions d'habitants, plus de la moitié font chaque jour un long trajet pour se rendre sur le lieu de leur travail. L'absence de plan d'ensemble dans l'agglomération parisienne se fait cruellement sentir. Le mot-clé qui arrive de manière récurrente, mais en fait il est très ancien, c'est le monarchie. C'est-à-dire que on a l'impression, les pouvoirs publics ont l'impression, du moins le formule de cette manière-là, que la région parisienne est anarchique, qu'elle n'a pas de principe d'organisation, qu'elle se développe à une vitesse très importante. Donc c'est par millions d'habitants que se compte la croissance, et que cette croissance n'est pas maîtrisée. Un étrange phénomène urbain, en voici un exemple. Il s'agit de Goussainville. Chaque soir, c'est pareil. En effet, cette petite station ferroviaire délivre plus de 3000 cartes d'abonnement de chemin de fer aux ouvriers, aux employés, qui travaillent tous à Paris, et qui ne rentrent ici que pour dormir. Trois lotissements sans structure, peu à peu, se sont rejoints pour former ce conglomérat misérable, incohérent, qu'il faut bien appeler une ville, puisqu'il faut lui donner un nom. Et puis ce conglomérat s'arrête brusquement, en plein champ, n'importe où, au hasard des parcelles du cadastre. Rien, absolument rien ici, n'a été conçu et construit que dans le genre le plus élémentaire, de la maison à la cabane. Et l'extraordinaire collection de clôtures est le résultat, je crois, le plus net de cette anarchie complète, totale. Il y a deux crises très importantes qui sont manifestes dans les années 50. La crise du logement, qui est indéniable, c'est-à-dire que on n'a pas construit suffisamment de logements dans les années 20 et 30, et donc il faut en construire massivement. On ne sait pas trop comment faire. On a la procédure des grands ensembles, mais elle n'est pas suffisante pour absorber tout. Il y a la crise des équipements, c'est-à-dire que même si on construit des logements, il n'y a pas d'équipement, donc il n'y a pas suffisamment d'hôpitaux, il n'y a pas suffisamment d'écoles. Dans une nation qui commence à développer l'enseignement secondaire, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de lycée. Donc les politiques publiques sont censées en fait guider cette politique d'équipement. La troisième chose qui manque, c'est les transports. C'est-à-dire que cette banlieue parisienne, elle a besoin d'être connectée à la ville de Paris, où les emplois restent massivement les emplois parisiens. Et donc transport, logement, équipement, c'est les moteurs finalement de cette idée de planification. Monsieur le préfet, et quelle est la ligne directrice pour vous dans la construction de cette région? Le mal est connu, concentration excessive, déséquilibre, désordre. Deux objectifs à atteindre, remettre de l'ordre dans tout cela et préparer le Paris de l'an 2000. On vit une crise, mais on vit une crise de modèle. Frédéric Gély. On est un pays très rationnel et très cartésien. En même temps, on est un pays très désordonné. Mais on nie cette part de désordre. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est la confrontation entre une approche très planifiée, très organisée, et un regard très planifié, très organisé des conditions de développement de notre métropole. On se dit que ce qu'on a fait avec de l'ouvrier dans les années 60-70 pour gérer le doublement de la population parisienne, qui est passé de 6 millions à 12 millions d'habitants entre les années 60 et les années 2000. Ce doublement, on a pu le gérer de manière à peu près harmonieuse parce qu'on avait une vision stratégique et planificatrice. On a fait les autoroutes, on a fait les RER, on a fait le périph, on a fait les aéroports, on a fait les villes nouvelles, on a fait les grandes cités scientifiques et les pôles d'affaires comme la Défense. Et ça, on l'a fait. Donc on l'a fait, c'est-à-dire c'est passé. Ça correspondait aux défis qu'il fallait relever dans les années 80-90. Et le monde d'aujourd'hui, il fonctionne différemment. On a une explosion des mobilités banlieue-banlieue, on a un éclatement des sites d'implantation industrielle, les entreprises sont plus organisées autour de grands pôles, elles se sont ce qu'on appelle désintégrées verticalement. C'était une métropole qui s'était organisée à partir d'un modèle radioconcentrique et qui aujourd'hui a un fonctionnement de plus en plus alvéolaire. Mais on ne fait pas communiquer des alvéoles aussi facilement que quand il s'agit simplement de rabattre tout le monde sur un espace central avec du RER massif. Si vous avez plein de petites alvéoles, ça veut dire que vous avez besoin aussi de plein de centres urbains de bonne qualité en banlieue, y compris en grande banlieue, pour que les gens soient bien chez eux. Je rêve d'une ville qui me révèle. Je rêve d'une métropole qui entreprend. Je rêve d'une ville pour apprendre. À la pointe de l'innovation. Une ville qui repousse mes limites. Une ville qui rayonne dans le monde. Je rêve d'une ville pour se rencontrer. Une ville pour me dépasser. Je rêve d'une ville. Une ville pour grandir. Pour grandir. Une ville pour grandir. La délibération numéro 6, il s'agit du règlement intérieur du Conseil de développement. Voilà, merci Monsieur le Président. Chers collègues, il s'agit... Communes, intercommunalités, départements, régions, États... Aujourd'hui, le morcellement institutionnel en Île-de-France est un obstacle pour affronter les problèmes. Quelle nouvelle gouvernance du Grand Paris faut-il construire pour relever les défis ? Permettre une meilleure péréquation des ressources entre communes pauvres et communes riches, dépasser les égoïsmes municipaux et rééquilibrer la métropole en luttant contre les fractures territoriales qui s'aggravent. En 2013, le Parlement adopte une loi instituant la métropole du Grand Paris, regroupant la ville de Paris et 130 communes de banlieue, plus de 7 millions d'habitants. Malgré son périmètre contesté et la faiblesse de ses pouvoirs, la métropole du Grand Paris se met en place. Et je vais vous proposer d'aborder tout de suite... Mais comment réussir à faire vivre la démocratie sur un territoire si large, à ne pas éloigner les habitants de ce nouveau centre de décision ? Et au-delà des questions institutionnelles, quel contenu politique donner à ce projet de métropole en construction ? Sur le plan climat, nous savons... Chaque mois, un conseil métropolitain réunit les élus des communes. Urgence sanitaire, 48 000 morts prématurés chaque année en raison de la pollution de l'air, 6 600 sur le territoire métropolitain, 2 500 sur Paris intramuros. À mon avis, ce n'est pas tant le plan climat air énergie de la métropole du Grand Paris. Aujourd'hui, cette métropole du Grand Paris, pourquoi elle est rendue nécessaire pour administrer en fait cette ville en expansion qu'est Paris ? Elle est rendue nécessaire, comme dans toutes les villes mondes qui existent sur la planète, par l'extension de la zone dense continue, c'est-à-dire là où il y a la plus forte concentration d'habitants. Et cette extension de la zone dense continue dépasse le cadre de la seule ville de Paris et touche aujourd'hui les 131 communes de la métropole et même peut-être un peu au-delà. Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. Donc il est nécessaire qu'on crée une structure, une collectivité, une organisation, en l'occurrence la métropole du Grand Paris, qui regroupe ces 131 villes aujourd'hui, pour faire en sorte d'être l'interlocuteur unique pour la gestion de l'ensemble des problèmes que vous avez pu suivre aujourd'hui dans le cadre de ces délibérations, être utile à la population et simplifier le travail plutôt que d'avoir à faire sur toutes les thématiques qu'on a évoquées, chaque fois à 131 villes différentes. Nous ne sommes pas là pour remplacer les communes, nous sommes là pour organiser le pouvoir en commun de l'ensemble des maires. À titre d'exemple, la ville de Lyon, où il y a une métropole de Lyon, a vécu 30 ans d'intercommunalité avec les communes alentours, et ils ont mis 10 ans à construire une métropole qui marche admirablement bien à Lyon. Nous, nous existons que depuis 22 mois aujourd'hui, avec 7 millions d'habitants et 131 villes. Comprenez qu'en 22 mois, Paris s'est pas fait un jour, la métropole non plus. Qui est contre cette délibération ? Qui s'abstient ? Patrick Brovzek, vice-président de la métropole du Grand Paris. Il y a un vrai débat aujourd'hui, comme vous avez pu vous apercevoir dans cette assemblée. Sur le côté polycentrique de cette métropole du Grand Paris. Nous, on défend depuis le début que, bien évidemment, personne ne remet en cause la centralité parisienne. Paris est la centralité du Grand Paris, mais qu'il y a d'autres centralités. Il y a d'autres territoires qui, aujourd'hui, avec leurs spécificités, avec leur histoire, avec leur culture, avec leur population, qui ne sont pas les mêmes, font Grand Paris. Et donc, c'est dans la reconnaissance d'une polycentralité que l'on fera Grand Paris. Il y a plein de métropoles partout dans le monde, et voire même des mégalopoles. Il n'y en a pas une seule qui se construise sur un autre modèle que l'exclusion et la ségrégation. Toutes les grandes métropoles aujourd'hui se construisent sur cette base-là. On a devant nous une chance historique, en tout cas on pourrait l'avoir, c'est de construire une métropole qui soit inclusive. Une métropole qui ne rejette pas les populations les plus modestes, les plus en difficulté, vers un périphérique toujours de plus en plus lointain. Effectivement, de plus en plus, dans les discours, on parle de moins en moins de ceci. Et moi, je ne peux pas aujourd'hui simplement être dans une sorte de vue de l'esprit qui voudrait dire qu'on construit une métropole compétitive dans cette métropolisation internationale. À quoi ça sert d'être compétitif et de vouloir rivaliser avec Singapour, Séoul, Londres ou consorts ? Ces métropoles ne font qu'accroître les inégalités sociales et territoriales. Moi, je n'ai pas envie de rentrer en compétition avec Londres pour savoir si on va avoir plus de 46%, c'est le taux actuel, 46% de mômes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est la réalité londonienne. C'est pas ça notre objectif. Or, si on va vers simplement des métropoles attractives, des métropoles qui sont dans la concurrence économique et financière, et surtout financière plus qu'économique, eh bien, on va aller vers ça. Je dirais, on est le sentiment que la compétence de la métropole apparaisse de façon peut-être maladroite dans la rédaction. C'est pour moi le sujet majeur du projet métropolitain, le rééquilibrage Est-Ouest. Toutes les cartes, quels que soient les indicateurs, montrent ce déséquilibre. Nicolas Ledoux, économiste. Le revenu moyen par ménage, déséquilibre Est-Ouest flagrant. Les ressources fiscales des communes, déséquilibre Est-Ouest flagrant. Le niveau d'investissement consenti par les collectivités, par l'État, sur les équipements publics, que ce soit les écoles, les collèges, les équipements sportifs et culturels, pareil, déséquilibrage Est-Ouest flagrant. Donc, pour moi, ce qu'on est vraiment en droit d'attendre d'un projet métropolitain, c'est qu'il contribue à cette péréquation, qui est d'abord financière, hein, vraiment, pour rééquilibrer les flux financiers, et que là où on a les territoires les plus pauvres, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne, et même en deuxième couronne, on rebascule une partie des richesses fiscales qui sont aujourd'hui localisées sur Paris intramuros et sur les Hauts-de-Seine. C'est le sujet majeur et c'est la condition de réussite du Grand Paris. Pour que tout le monde se sente appartenir à cette métropole, il faut que la création de richesses se pense aussi à cette échelle-là. Donc ça passe quand même par une réforme institutionnelle. Aujourd'hui, ce qui limite ces mécanismes de redistribution, c'est d'abord le fait que l'essentiel de la richesse fiscale locale, il est capté par les communes et les départements. Donc on sanctuarise encore plus ces déséquilibres de richesse fiscale. Donc c'est des mécanismes évidemment de long terme. Il y a une inertie énorme parce que ces déséquilibres, ils datent du 19e siècle. Ils ont été renforcés après-guerre quand l'État a choisi de positionner les grands ensembles là où ils sont aujourd'hui. Donc ça prend du temps à rééquilibrer, mais ça doit forcément passer par une volonté politique forte de rééquilibrer, donc que les plus riches acceptent de partager les richesses avec les territoires les plus démunis. Moi, je rêve d'une ville qui me recentre sur l'essentiel. Il faut mettre Paris au cœur de notre stratégie d'attractivité. Une ville où je gagne la course contre le temps. Paris est une ville monde, mais la région capitale est une économie monde. Paris, c'est la rivale de Londres, de New York, de Tokyo, de Shanghai. Et dans la partie qui se joue à l'échelle de la planète... La priorité, elle est clairement donnée à la compétition internationale. Et donc, il faut voir grand. Dans une vision un peu globalisante de tirer... Paris. Tout le Grand Paris, on va même dire toute la région métropole, dans cette compétition internationale. Donc c'est accroître le PIB qui est déjà extrêmement haut hein, de cette région-là. C'est récupérer les investisseurs déçus de l'Angleterre à cause du Brexit pour les capter ici. Donc tout ça se soutille beaucoup. Et on sent bien que l'accent est mis là-dessus. C'est l'accueil de grands événements internationaux comme les Jeux Olympiques. Enfin, voilà. C'est faire émerger Saclay et le faire rayonner à l'échelle internationale. Moi, j'ai besoin d'une ville connectée. Dans cet environnement, où les espaces sont redéfinis. La bataille de l'intelligence, l'attractivité en matière de talent, la bataille pour les sciences. Je rêve d'une métropole qui entre. Un combat que nous ne pouvons pas perdre. À la pointe de l'innovation. Parce que ce qui a fait notre pays, c'est notre capacité à chaque fois à relever ces défis. Nous devons réussir. Je rêve d'une ville pour apprendre. Cette bataille. Et le plateau de Saclay, le projet Paris-Saclay, est au cœur de ce combat. Je veux avoir accès à la connaissance, à la lumière des plus grands penseurs. Donner la priorité au pôle d'excellence pour faire face à la compétition internationale. Nous nous rendons aux franges de la métropole, à 25 km au sud-ouest de Paris, sur le plateau de Saclay, qui réunira à terme plus de 20% de la recherche française. Il y a d'autres grandes écoles qui se joignent à l'école polytechnique. Il y a déjà l'ENSAE qu'on va visiter en premier, qui vient d'ouvrir ses portes. Il y a l'ENSTA aussi qui s'est installée l'année dernière. Et puis en construction, vous le verrez, on a l'IMT, l'Institut Mines Télécom, qui est en cours de chantier. Et puis... une autre grande école à venir qui est AgroParisTech, qui commencera son chantier l'année prochaine pour ouvrir ses portes en 2021. Donc ça, c'est un peu les grandes écoles qui vont structurer le quartier. Je vous attends ici, alors. Ouais, très bien. Tout à l'heure. Autrefois terre agricole, le plateau de Saclay accueille désormais les plus grandes écoles du pays. Des centres de recherche publics, mais aussi de grandes entreprises privées. Grues, bâtiments en construction, le plateau s'est mué en gigantesque chantier. Les projets du campus urbain Paris-Saclay sont vraiment un des éléments phares du projet du Grand Paris, parce que ça avait vraiment été pensé comme ça. C'est créer un endroit où il y a un regroupement vraiment de la recherche française, en fait, à la fois institutionnelle, donc autour des écoles, et puis de la recherche privée, et de créer tout l'écosystème pour que ces gens se rencontrent et créent ensemble. Il y a déjà eu beaucoup de regroupements, et là, on démultiplie en fait l'ampleur de ces regroupements en créant un quartier cohérent avec les transports qui vont bien, pour vraiment faire démarrer ce pôle d'innovation de la métropole du Grand Paris. C'est un sacré coup de chance. Enfin, moi, tout le temps, je travaille sur les gens qui font ce quartier. Je n'ai jamais cette chance-là de voir tous les architectes comme ça qui vont exposer leurs projets. Faites quoi sur le quartier? Alors, en fait, on est aménageur. C'est l'EPA Paris-Saclay, donc établissement public d'aménagement Paris-Saclay. Mais l'idée, c'est qu'on garde un peu la vision globale, la cohérence. Bah, simplement, quand on fait des bâtiments, il faut aussi faire les espaces publics qui vont avec. Même techniquement, il faut qu'ils soient alimentés en réseau potable, électricité. Là, ça se voit pas, mais tout le long, là, on a un réseau de chaleur qui passe pour alimenter en chaleur tous les bâtiments de Nazaire. À terme, on attend combien de personnes, combien d'habitants? Entre 20 et 30 000 personnes, en comptant étudiants, chercheurs, habitants, salariés, commerçants et autres. À l'horizon de 2020-2025. On reste là, du coup Ouais, on va peut-être s'arrêter sur le parvis. Allez, venez. La première fois que je viens ici, oui. On essaie de créer un peu des campus à l'anglo-saxonne. On essaie de réunir tous les étudiants, de créer un peu d'énergie sur place. Comment on pourrait décrire cette rue-là? Là, c'est une grande rue donc linéaire. C'est très orthogonal, le plan, j'imagine. C'est une grande perspective, en fait, avec des façades métallisées en verre, etc. Et autour, c'est quand même assez pittoresque, parce qu'autour, c'est les champs, il y a des petits bois... Un assez beau paysage, c'est vraiment ce côté ville technique qui sort de terre. Ça fait presque un petit peu usine. Mais bon, voilà, c'est ça, c'est l'usine du savoir, c'est formaté, si on ose dire. C'est marrant parce qu'en fait, il y a une espèce d'analogie avec les cursus qu'on suit dans ces grandes écoles d'ingénieurs. C'est un petit peu... on forme des cadres dans des cadres. Est-ce que vous pouvez rentrer, s'il vous plaît, dans l'atrium, là, pour qu'on puisse faire une petite présentation? C'est un des deux nouveaux bâtiments du campus central du Zubelec, une grande école d'ingénieurs. Donc on s'est retrouvé dans un contexte assez spécial, dans ce grand projet national qui est le plateau de Saclay. Qu'est-ce qui a poussé un peu la création de ce bâtiment qui est en soi une mini-ville? Donc on avait un programme qui était quand même assez gros, de 48 000 m2 programmé à construire. Donc c'est une grande surface, plus grand qu'un terrain de foot, donc c'est vraiment très très répandu. Et donc on voulait ne pas arriver à un bâtiment massif. Donc on a recréé en fait une petite ville dans la ville. C'est vraiment cette idée que n'importe qui, hors de l'école, des visiteurs, des gens qui se baladent, des gens qui vont juste aller à Supélec ou des gens qui vont ainsi de suite, traversent ce bâtiment. Le bâtiment est ouvert à tout le monde. La diagonale. Comme je vous l'expliquais, sur la diagonale, on a mis tous les programmes les plus publics. Donc vraiment avec cette idée que les gens puissent voir ce qui se passe dans l'école. On va arriver au plein. Moi j'aime bien les nouveaux bâtiments, ils sont assez, ils sont assez spacieux. Tout est pensé pour que ça marche pour des étudiants. Quoi. On parle du plateau de Saclay comme un pôle un peu de développement de cette ville. Vous avez l'impression que c'est une ville qui est en train de se construire ici? On va avoir l'arrivée de encore plus de centres de recherche dans d'entreprises. Et puis il y a l'ENS de Paris-Saclay qui va s'installer juste à côté. Il va y avoir de l'arrivée de nombreux pôles et je pense que ça va se développer énormément. Mais petit à petit, ouais, il y aura presque toutes les grandes écoles sur le plateau et tous les centres de recherche, les entreprises. Donc c'est ça ce qu'ils veulent faire. Enfin, qu'il y a une proximité entre les étudiants et les chercheurs. J'ai dit que c'était la Silicon Valley de Paris. Paris est pour la France un atout maître dans la compétition européenne et mondiale. Paris et sa région se transforment et présentent au monde le visage du renouveau français. Quel est l'enjeu du Grand Paris? C'est d'avoir territorialement une première cordée pour la France, la locomotive qui va se développer dans l'économie monde, dans la globalisation et qui va tirer le reste de la France. Renaud Epstein, sociologue. Quel est l'enjeu d'avoir des pôles de développement particuliers en Ile-de-France, Saclay, Roissy, voilà, quelques trucs. C'est les premiers de cordée, les locomotives qui vont tirer le développement de l'Ile-de-France. Vraiment, on est complètement dans cette métaphore systématique du ruissellement. On va produire du développement qui va être polarisé, qui va bénéficier à certains, mais ensuite il va y avoir du ruissellement et ça va finalement, les gains individuels vont produire du gain collectif. Bon, le fait que cette théorie soit très largement invalidée un peu partout dans le monde, à toutes les échelles, importe peu. Voilà, là on est dans les croyances. Alors cela, je ne saurais pas vous dire exactement. Moi, ça me paraît un peu plus ancien. Oui, c'est plus ancien, bien sûr. Retour aux côtés des marcheurs du voyage métropolitain qui arpentent la commune d'Arcueil. Et alors, la petite devinette, ça va être de trouver le nom de l'architecte urbaniste qui a conçu cette cité. On la traverse, on y va. Allez-y. J'ai l'impression qu'il y a un grand écart en fait entre ce que vivent les habitants au quotidien, c'est-à-dire une métropole qui est quand même gigantesque, des gens qui font des distances incroyables tous les jours. Père Anaïs Costa-Guerrero, membre du voyage métropolitain. J'ai pas l'impression qu'aujourd'hui, au niveau des institutions, on vit vraiment le Grand Paris. Si tu veux, si tu te mets au niveau des gens, de la vie de tous les jours, certes, on est content de construire des clusters, ça va faire des pôles où les gens vont venir travailler, mais ça, au niveau... Enfin, citoyens, c'est pas ce qui importe le plus pour nous, quoi. Ce qui se joue vraiment dans notre vie de tous les jours, bah, c'est les grandes distances, les déplacements domicile-travail que tu es obligé de faire, que tu te tapes, qui fatiguent tout le monde au quotidien. Moi, je prends le RER tous les jours et on s'en rend bien compte. Et c'est aussi bah, ces inégalités, tu vois. Tu passes d'un territoire où, par exemple, il y a plein de gens de la banlieue qui viennent travailler à Paris, qui côtoient des gens qui, eux, y vivent tout le temps. Enfin, c'est ces inégalités sociales très fortes, en fait, le fossé social qui se creuse, qui importe plus qu'autre chose, en fait. Les clusters, oui. Ça créera de l'emploi, tant mieux, mais... Au pied d'un ensemble de logements sociaux, les marcheurs découvrent un petit jardin partagé. Un espace collectif où se réinvente la vie dans l'immense métropole, à une échelle humaine. On vous envahit un petit peu, là. C'était prévu. On est ravis. On est souvent envahis. Hein. Merci à vous d'être intéressé par ce qu'on fait modestement ici. Si vous voulez vous servir un verre, faites-le tout de suite. Et si vous voulez prendre des graines aussi et les emmener et les faire germer ailleurs, on en sera très heureux. Bah, on a fait tout cette année. On a du melon, de la citrouille, des poireaux, des carottes, des navets, de la salade, tout ce que vous êtes cultivable, on l'a fait cette année. Ce qu'on veut dans le jardin, c'est innover tout le temps, tous les ans, essayer de faire quelque chose de nouveau. C'est ça qui nous paraît le plus important. Si vous voyez le contexte, ici, c'est que des HLM. Donc c'est important, pour nous, c'est important de faire ça, ce jardin, dans le milieu des HLM. Si on compte tous les jardiniers, on est une petite centaine dans la ville, qu'on appelle le mouvement Arcueil Ville Comestible. Après, on est dans une dynamique permanente et on est aussi dans une communauté. C'est-à-dire que les jardins sont solidaires entre eux, se donnent des coups de main. On est vraiment à fond dans cette logique de partage. Moi, je vais chercher à enlever les plus petits pour laisser les plus gros pousser. Et qui les mange alors ces légumes? On les répartit, on peut venir, vous êtes en train de faire une recette chez vous, vous pouvez venir chercher du persil, des plantes, c'est ouvert. Et puis les gens du quartier aussi viennent en chercher pas mal aussi. Hein. Je pense que tout le monde a dû les goûter dans le quartier. Moi ce que je ressens hein, quand je viens travailler ici, vous voyez on a l'impression qu'on est dans une petite bulle, que tout le bruit il est là-bas dans le fond. Et puis c'est un retour à la terre, moi je suis de la campagne, je suis venue à Paris chercher un boulot, j'avais 18 ans. Donc je voyais mon grand-père travailler dans les jardins et j'avais jamais pratiqué moi-même, mais je m'aperçois que les gestes sont restés dans ma tête. C'est vraiment un retour. C'est pas que le plaisir de manger des légumes, parce que les légumes aujourd'hui sont chers. Je pense que c'est de se retrouver, c'est difficile de faire connaissance avec les gens. Là, c'est aussi un groupe qui parle, on boit des verres ensemble, on jardine ensemble. Ah oui, ça, ça m'épate. Ouais, je trouve ça bien. Si j'en reviens à cette vision du Grand Paris, bah, effectivement, quand on écoute les acteurs du Grand Paris, c'est-à-dire à la fois tout petit milieu politico-institutionnel qui s'est spécialisé dans les réformes institutionnelles du Grand Paris, hein, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, qui nous produisent des schémas, etc. Quelle recomposition, quel redécoupage institutionnel on va proposer, personne n'y comprend rien, même eux, au bout d'un moment, ils n'y comprennent plus rien. Renaud Epstein, sociologue. Le Grand Paris, il y a ce volet gouvernance, découpage qui mobilise les élus et des consultants, beaucoup de consultants, mais aussi, et maintenant de manière massive, le vrai monde du Grand Paris, du BTP, des promoteurs, de la finance qui se met en œuvre avec des tunneliers qui sont en train de grignoter sous le sol, des gares qui sont en train de se mettre en place et des gigantesques opérations immobilières qui sont en train de se dessiner avec du vrai argent, et du vrai argent privé appuyé sur de l'argent public ou en tout cas sur des infrastructures publiques qui sont en train de se déployer. Bah, quand on regarde ce que eux nous proposent, effectivement, c'est une ville, la ville rêvée des promoteurs, des développeurs. Bah, les développeurs, leur intérêt, c'est de rentabiliser leurs investissements. Et on ne rentabilise pas ces investissements en logeant des pauvres. Hein. On rentabilise ces investissements en mettant des bureaux, des centres commerciaux et des gens qui sont capables de payer des loyers ou d'acheter des mètres carrés à des prix qui sont inaccessibles, totalement inaccessibles pour la majorité de la population francilienne. Et moi, je suis quand même assez frappé de voir comment, quasiment depuis le lancement du Grand Paris par Sarkozy en 2007, il y a un impensé de la question sociale. Je rêve d'une métropole qui entreprend. En 2017, la métropole du Grand Paris décide d'organiser un grand concours architectural. L'idée, urbaniser 51 sites dispersés sur le territoire métropolitain avec comme maître mot l'innovation. Inventons la métropole du Grand Paris. Financé exclusivement par le secteur privé, ce concours d'architecture pose question. Car si les collectivités locales cèdent le foncier, la conception de quartiers entiers est déléguée aux principaux groupes privés de promoteurs, laissés libres de concevoir la ville de demain. Bureaux, logements, équipements. Une cérémonie est organisée au pavillon Baltard pour proclamer les résultats, devant plusieurs centaines de personnes. Dans le public, des élus, des architectes, mais aussi les principaux représentants des entreprises du secteur de la construction. Innovation, opportunités économiques, sociales, urbaines et émotionnelles, voici mesdames et messieurs les lauréats des 51 sites de ce premier grand appel à projets. Inventons la métropole du Grand Paris. Madame le maire de Paris, monsieur le préfet de la région Île-de-France, monsieur le président de la Société du Grand Paris, mesdames et messieurs les maires et les présidents des territoires qui Patrick sont Patrick Ollier, président de la métropole du Grand Paris. Qui aurait pu penser, il y a un an, que aujourd'hui nous en serions arrivés là pour proclamer ces résultats? Grâce à vous, inventons la métropole du Grand Paris est devenue le plus grand concours d'urbanisme et d'architecture d'Europe. Car c'est grâce à vous, aménageurs, architectes, financiers, investisseurs, qui avez cru, il fallait que la métropole existe pour que vous veniez à sa rencontre. Vous avez, chers amis, débordé d'imagination, finaliste de ce concours. Vive la métropole du Grand Paris, merci à toutes et à tous. Direction ici les Moulineaux, pour la ZAC Léon Blum. Futur quartier gare du Grand Paris Express, Home repose sur la philosophie du Feng Shui. Lauréat 17 & Co, porté par BNP Paribas Real Estate. Non loin de là, porte de Saint-Ouen, côté Paris, dans un site qui sera en lien emblématique, avec de larges terrasses végétalisées. Non loin de là, porte de Saint-Ouen, côté Paris, dans un La parole est à Madame Hidalgo. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas anodin. Ça n'est pas quelque chose qu'on doit regarder comme un moment comme un autre où on se réunit pour donner des résultats d'un concours. C'est beaucoup plus fort que ça. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est aussi un acte puissant, un acte réel et concret de l'existence de cette métropole. Une métropole attractive. D'ailleurs, vous savez, on n'aurait pas gagné les JO si on n'était pas attractif. Marchons enfin vers Clichy-la-Garenne et sa Maison du Peuple, un joyau de l'architecture des années 30. Tour de 96 mètres, hymne au savoir-faire français, va accueillir des logements et un hôtel 4 étoiles. 7 milliards d'investissements privés, inventons la métropole du Grand Paris est un succès, plébiscité par les grands groupes de promoteurs. Déjà, c'est le volume en fait qui est porté par ce projet, hein. C'est 53 sites, donc c'est quelque chose de très important, avec des quartiers à développer tout au cœur de la métropole comme en périphérie. Donc c'est par la taille critique déjà que c'est assez exceptionnel. Emmanuel de Mézières, Bouygues Immobilier. Mais ça correspond aussi à une phase de marché qui montre tous les besoins en matière de logement, y compris en matière de développement économique, avec une transformation complète des outils de travail, hein, qui sont beaucoup plus flexibles, avec beaucoup plus connectés. Donc on a besoin de rénover à la fois le parc tertiaire de bureaux, et on a besoin aussi de créer de l'habitat pour répondre aux besoins. C'est-à-dire que le foncier est une matière première, hein, en immobilier, qui rentre en amont de la chaîne, et cet accès au foncier, il est important. Et donc, ça nous permet de nous saisir en répondant aux attentes. Hein. Donc, il y a un côté concours de beauté aussi, hein, sur ces sujets-là. On a besoin de la collectivité et des pouvoirs publics et politiques pour nous aider à maîtriser ce foncier. Et donc, c'est aussi cet accès-là à la matière première qui rend intéressant la démarche de la métropole. Enfin, il y a une critique de fond sur cette idée que les collectivités locales délèguent finalement aux groupes privés l'aménagement de quartiers entiers. En cédant le foncier, elle renonce finalement à une idée d'aménagement urbain, que la fabrique de la ville serait le fait de groupes privés. Je vois bien ce que vous voulez dire, mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. C'est au contraire un grand changement en fait, de méthode par rapport à ce qu'on pouvait pratiquer dans le développement urbain il y a 10 ans. On était sur des séquences beaucoup, beaucoup plus scindées entre elles, entre la vision du grand territoire portée par le politique, la vision de l'aménagement portée par des aménageurs publics, et en bout de chaîne, un promoteur qui arrivait à l'échelle de l'immeuble. Et là, aujourd'hui, pour répondre justement à ces besoins qui touchent l'usage, qui touchent l'identité du quartier, ces enjeux-là font qu'aujourd'hui, on est remonté dans la chaîne de valeur en tant qu'opérateur privé. Et donc, on devient quelque part exploitant de quartier. Donc, je dirais qu'on est dans un système qui est beaucoup plus mêlé en termes de partenariat entre le public et le privé dans la méthode de la fabrication de la ville. Changement de panorama et direction vers l'usine EIF et le quartier des Murs à Pêche, un territoire emblématique de la ville de Montreuil. Place aux espaces imaginaires fertiles avec des commerces, des logements proposés par Bouygues Immobilier Urbanera. Mais qui profitera vraiment de ces nouvelles constructions ? À aucun moment, les habitants n'ont été consultés sur le contenu de ces opérations immobilières, comme dans le cas de Montreuil, sur les parcelles des Murs à Pêche. Donc là, c'est une petite vénelle, ça s'appelle Gobétu, et il y a un rue comme ça, un ruisseau, hein, qui s'appelle le Gobétu. Et sur les plans du Moyen-Âge, ce chemin est déjà indiqué, c'est un vieux chemin de Montreuil. Pascal Mage, président de l'association des Murs à Pêche. Hein ? Et là, qu'est-ce qu'on voit ? Et là, donc ça, c'est un mur à pêche, hein, donc ces murs sont faits avec les matériaux locaux. Parce qu'au XVIIe siècle, bien sûr, on n'allait pas chercher les matériaux très loin, on est à Paris. Le gypse, la pierre à plâtre, et donc ça va servir à faire le chapeau en plâtre. Et les murs, ce sont des murs de paysans. Donc on monte une structure de silex qu'on bourre avec de la terre et les enduits au plâtre qui permettaient de palisser les arbres fruitiers dessus. C'est-à-dire que ces murs servent principalement à la préservation du pêcher qui fleurit tôt. Et donc on a construit comme ça 500 km de murs, hein, imaginez un peu, pour venir cultiver le pêcher pour avoir des fruits tous les ans avec des loques. On venait palisser à la diable l'arbre contre le mur. Hein. L'abbé Chabol, qui est venu au XVIIIe siècle, nous explique les techniques. Hein. On venait dérouler des draps pour préserver le fleurissement. On mettait des paillassons de paille pour faire au vent. Voilà, c'était vraiment un savoir-faire. C'était l'horticulture. Pêcher, pommier, fleurs. Hein. On produisait 15 millions de fruits en 1860. Hein. C'était vraiment une activité très conséquente. C'est la campagne à Paris, quoi. Oui. La campagne dans le Grand Paris. C'est ça. Là, on est dans des petits cheminements. Le ciel est ouvert. La voiture est un peu loin. On entend la ville. On voit les immeubles autour. Hein. On voit les grands immeubles autour. Les gens, quand ils viennent ici, ils me disent que ça leur rappelle quelque chose. Ça parle aux gens. Chaque fois, ils sont surpris hein, d'avoir un espace comme ça. C'est un lieu de poésie. Alors, il faut savoir qu'en fait... C'est un lieu qui est pris en charge par les habitants sous le cadre d'appels à projets, de plusieurs appels à projets. Et on vient cultiver ces espaces. Jardin d'inspiration médiévale, c'était en friche. Ce sont principalement des femmes. Il y a l'association des lézards dans les murs. Ça, c'est une association assez extraordinaire qui est en prise avec le quartier. Mélange accueil d'enfants, centre de loisirs, plantation, restauration de murs, spectacle. Il fonctionne sans financement. Alors, si vous voulez, donc on est à Montreuil, hein, Montreuil, ville rouge, hein, ville ouvrière. Et donc là, derrière nous, on a une opération des années 70, fin 60, début 70, ville du Bel Air. Hein, avec, ce sont des HLM, des logements sociaux, avec une grande tour et des bars, hein, quartier dense. Et devant, on a les murs à pêche, avec ce paysage très singulier. Ces labyrinthes, ces lieux de rêve, hein. Des fenêtres, on imagine des choses, des histoires, voilà quoi. Donc c'est un contraste très fort. Bien, salut, ça va ? Et aujourd'hui, les murs à pêche se sont rétrécis, c'est ça ? Bien sûr, oui, ils se rétrécissent, mais ils se rétrécissent tous les ans. Même le site classé, des parcelles disparaissent, des murs sont abîmés et il y a une sorte d'inertie. On laisse ce lieu mourir de sa belle mort. On fait quelques petites opérations de communication. On met un peu d'argent dans des parcelles parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont présents, qui sont là pour s'en occuper. Mais sinon, on laisse ce lieu se diliter. Et puis maintenant, on en vend où on vend les murs à pêche. Mais, y compris pour faire du logement, ce qui est grave. Parce que jusqu'à présent, on faisait juste que des équipements publics. Et donc, c'est un lieu qui meurt. On communique beaucoup dessus. On essaie de préserver quelques parcelles, mais c'est un lieu qui meurt. Son paysage est en train de disparaître. Et alors, ce qu'on voit plus loin, là, vous voyez, c'est l'usine EIF. C'est une usine qui date de 1923. Alors, il y avait plein d'industries à Montreuil. Et eux, ils étaient spécialisés dans le traitement des peaux. Et aujourd'hui, eh bien, dans le cadre du Grand Paris, ils veulent restaurer l'usine, qui est une bonne idée. Mais ils ont rajouté 1 hectare de parcelles de murs à pêche. On va construire du logement dessus pour pouvoir payer la restauration en partie de l'usine. Seul intérêt, c'est un intérêt financier. Vous avez vu un petit peu le projet de cette filiale de Bouygues ? Alors oui, c'est des parcelles qui sont classées en espace naturel, qui vont être déclassées. D'ailleurs, c'était indiqué dans le cahier des charges. C'est plus la ville qui décide. On dit au promoteur immobilier, faites le projet que vous souhaitez, on sera en conformité avec vous. Et donc là, ces parcelles qui sont des parcelles comme celles qu'on a sous les yeux, là, avec des murs du 18e siècle, avec du sol, avec de la terre végétale, eh bien, on va mettre à l'intérieur du logement. Ce lieu, c'est la transformation d'une friche industrielle. Il y a une usine, là, en fait. C'était une ancienne usine de tannerie, enfin de pousserie, sur 2 hectares. Et donc, on conserve une grande partie du bâti, justement, pour installer ces Fab Labs et permettre donc de continuer dans le développement économique du site. Emmanuel de Mézières, Bouygues Immobilier. Et puis, on développe aussi du logement et un hôtel. Mais il y a aussi des parcelles de ces murs qui vont être déclassées, je crois, par la mairie. Vous allez construire dessus. C'est un souci, quand même, pour pas mal d'associations, ça. La plupart de ces murs à pêche sont conservés et sont même réhabilités. C'est-à-dire qu'il y a une histoire du lieu, mais qui apporte aussi. C'est quand on parle de l'identité qui va faire après l'attractivité, c'est-à-dire qu'il faut avoir envie de venir habiter ici. Et nous, il faut qu'on soit en capacité de vendre nos logements aussi. Tout se rejoint finalement entre la volonté de conserver l'histoire pour en faire un atout de bien-être, de quartier, et donc un atout commercial au final pour que ces logements puissent se vendre, et ces espaces de développement économique puissent se louer. Part aussi de cette histoire des murs à pêche avec les pêchiers qui étaient à ces endroits-là. Donc, on en fait un atout. Donc non seulement ils ne sont pas démolis, mais ils sont réhabilités. Et on ment. Et c'est ça qui est terrible. C'est qu'ils n'assument même pas ce qu'ils font. Ils expliquent, mais non, vous inquiétez pas, on va conserver les murs. Oui, mais remplis d'immeubles, ça ne sert à rien. On a besoin d'espaces comme ça. Aujourd'hui, il y a une concentration de population autour de Paris. Mais où sont les nouveaux lieux de culture? Où sont les nouveaux lieux de respiration, d'espaces verts? On est déjà en carence d'espaces verts. On le sait que ça a un impact sur la santé. Et bien là, on vient construire sur ces espaces. Gillette, je te propose que tu nous attendes là, parce que là, c'est un peu bancal. Mais si tu veux nous accompagner, je peux t'aider. Hein. Je fais le festival. C'est ça. Ah oui. Ça fait la 17e année, hein, 18e là. Donc les murs à pêche, ça fait longtemps qu'on se bat pour préserver les murs à pêche. Je m'appelle Ginette Lemaître et j'ai 84 ans. Voilà, j'habite Montreuil depuis très longtemps et j'étais autrefois au CNRS sociologue. Ginette Lemaître, habitante de Montreuil. Dans la suite de ce que racontait Pascal, on s'est rendu compte que les municipalités considéraient tous ces espaces verts comme des réserves foncières et sont dans une politique du chiffre. Ils veulent agrandir leur ville, donc on ne fait plus de logements, mais à quel prix fait-on ces logements? Comment les gens vont vivre? On construit, on bétonne, on est dans la séduction de la population. Il est important que les citoyens reprennent de l'existence, ça veut dire des droits, mais des responsabilités. Je pense qu'il faut être engagé. Et donc, on prend soin de soi, de la terre, de son voisin. Mais c'est vrai qu'entre le Grand Paris, les Jeux Olympiques, les réserves foncières se mettent à trembler parce qu'il y a des avidités très fortes qui veulent se les approprier parce qu'elles ne coûtent pas cher. Ils ont des grands espaces. Ce qu'il y a, c'est que je pense que la difficulté avec les décideurs, c'est qu'ils pensent et parlent en termes de chiffres, même les municipalités. Montreuil veut avoir 150 000 habitants, mais au nom de quoi 150 000, c'est mieux que 120 ou que 100 ? Les gens oublient que la ville, elle est faite des habitants, elle n'est pas faite de chiffres. Le problème est important, c'est le partage des ressources de cet espace. Et effectivement, si les murs à pêche sont privatisés au sens qu'ils appartiennent à un tel, il n'y aura plus de partage avec le reste de la ville. C'est-à-dire que ceux qui font la ville sont expropriés des terrains qui leur permettraient d'avoir une forme de convivialité. Et moi, je pense que si on ne veut aborder les questions de violence, il faut penser ces questions-là. C'était Le Grand Paris, une métropole en devenir. Merci à Jens Denissen, Claire-Anaïs Costa-Guerrero, Frédéric Gilly, Daniel Béard, Loïc Vadelorge, Patrick Ollier, Patrick Brauzek, Nicolas Ledoux, Bruno Epstein, Emmanuel Desmézières, Pascal Mage, Ginelle Lemaître. Merci aussi aux habitants jardiniers de la ville d'Arcueil et aux marcheurs du voyage métropolitain. Archivina, Annie Lossana. Prise de son, Gilles Gallinaro, Clémence Bonfils, Olivia Branger. Mixage, Manuel Couturier. Un documentaire de Nicolas Jox, réalisé par Manouchak Fachaï. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Et si vous voulez faire le tour de Paris, bibliographie, lien, nous réécouter à Montreuil ou nous podcaster pour le campus de Saclay, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page Facebook de France Culture et nous suivre sur Twitter, LSD Séridoc. Et demain, troisième épisode, le Grand Paris Express, métro du futur. Mais dans un instant, on retrouve le journal de 18h.